الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. Donc nous sommes arrivés au vers 23. Et l'auteur rahimahullah nous dit: wal fardu, c'est-à-dire le hadith fard, ma qayyadtahu bi thiqati aw jam'in aw qasrin ala riwayati. C'est-à-dire que al fard, c'est lorsque une personne ou un groupe sont les seuls à rapporter ce hadith. Ce qu'on appelle donc al-fard. مر معنا في أبيات سبقت الغريب. مر معنا الغريب وكان الناظم رحمه الله كان عرفه بقوله: وقل غريب ما روى راو فقط. Donc on avait vu précédemment le hadith que l'on appelle Gharib. On avait vu le hadith que l'on appelle Gharib, et l'auteur il avait dit: وَقُلْ غَرِيبٌ مَا رَوَى رَاوٍ فَقَطْ. Dit Gharib, c'est celui que un seul narrateur rapporte. هُنَا الْفَرْضِ وَقُلْنَا أَنَ الْغَرِيبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمٍ قُلْنَا غَرِيبٌ مُطْلَقٌ وَغَرِيبٌ نِسْبِي. الغريب النسبي هو الفرد. الغريب النسبي على ما عرفه المؤلف هو الفرد. Donc on avait dit précédemment que le gharib, donc il y avait deux sortes: le gharib al mutlaq et le gharib al nisbi. Le gharib al mutlaq, on avait dit, c'est lorsque un compagnon radiyallahu an rapporte le hadith seul, et au-dessus c'est gharib nisbi, et c'est celui-ci que l'on appelle ici الفرد. إذن يقول: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. فالفرد يمكن لنا أن نعرفه بأنه رواية أو انفراد الراوي الثقة أو الجمع، ويقصد بالجمع هنا أهل البلد. أهل البلد أو قصرين، يقصد بهذا أن الراوي هو الوحيد الذي روى هذا الحديث ثم منه انتشر. Donc l'auteur rahimahullah nous dit: وما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un narrateur thiqa, c'est-à-dire fiable, qui rapporte un hadith et qu'il est le seul à rapporter, on appelle cela fard. Ou bien jam, c'est-à-dire des gens d'une certaine ville ou bien d'un certain pays sont les seuls à rapporter ce hadith. Par exemple, on dit: ce hadith il a été rapporté que par Ahlou Masr, ou bien Ahlou Sham, ou bien Ahlou Irak. On appelle cela également fard. Ensuite il nous dit: au qasrin ala riwayati, c'est-à-dire que admettons il n'y ait que un seul rapporteur qui connaisse ce hadith dans la chaîne de transmission au-dessus des compagnons radiallahu anhum, et ensuite après lui le hadith s'est propagé. Après lui le hadith s'est propagé. À كل حال كما قلنا هو إعادة لما ذكرناه في الغريب النسبي. Donc ici en fait on ne fait que répéter ce qui a été dit في الغريب النسبي, sauf qu'on n'avait pas cité الجمع ou bien الثقة. إذن هو يقول: وما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. ما قيدته بثقة، كأن تقول مثلا: لم يروي هذا الحديث إلا فلان، بمعنى من الثقات. وقد يكون قد رواه رواة ضعفاء، ولكن أنت قيدت هذه الرواية بالثقات فتقول تفرد به فلان. Donc le premier cas qu'il a cité l'auteur, c'est le fait que Asiqa, le narrateur fiable, soit le seul à rapporter ce hadith. Par exemple, tu vas dire Tafarrada bihi fulan, c'est-à-dire un tel, c'est le seul à rapporter ce hadith. Mais tu veux dire par cela min al-thiqat, parmi les narrateurs fiables. Mais si tu recherches, tu vas trouver que d'autres narrateurs ont rapporté ce hadith, mais ils sont faibles, par exemple. Ils sont ce que l'on appelle daif. يقول أو جمعين ويقصد بالجمع المجموعة يعني أهل بلد معين. Donc ensuite il nous dit أو جمعين. جمعين il a voulu dire par cela les habitants d'une ville ou bien d'un pays. كمثلا إذا قلنا هذا الحديث تفرد به أهل مصر، هذا الحديث تفرد به أهل الشام، هذا الحديث تفرد به أهل الكوفة. وهذا يذكره الإمام أبو داود رحمه الله والحاكم، يعني أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك. فمثلا يقول هذه السنة تفرد بها أهل الكوفة، هذه السنة تفرد بها أهل الشام. Donc la deuxième catégorie qu'il a voulu, que l'auteur a cité, il a dit « Aujamain », c'est-à-dire les habitants d'un pays. C'est pour ça que certains même disent, s'il avait dit « Walfardu maqiyitao bithiqatin au misrin au qasin al riwayati », ce serait plus clair que « Jama ». Donc il a voulu dire par « Jama » ici les habitants d'un pays. Par exemple en disant « Ce hadith n'est rapporté que par les gens de Misr, d'Égypte. Ce hadith n'est rapporté que par les gens de Hasham. Ce hadith n'est rapporté que par les gens de l'Irak. Et dans Sunan Abi Daoud, également dans le Mustadrak de Al-Hakim, vous verrez que après avoir cité des hadiths, souvent ils citent hadith sunna tafarrada biha ahlu Misr. Ils disent que les gens d'Égypte sont les seuls à rapporter cette sunna. C'est-à-dire que toute la chaîne de transmission ne sont que des gens de Masar ou bien des gens de Shem ou bien des gens de El Kufa. يقول والفرد ما قيته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي أو قصر على روايتي بمعنى أي لم يروي هذا الإسناد بتمامه إلى آخره إلا هذا الراوي ومنه انتشر. فهذا هو الذي ذكرناه في حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث يرويه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة ابن وقاص الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عنه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومنه انتشر. وهذا معنى أو قصر على روايتي. فهذا الحديث لم يرويه مثلا عن عمر إلا علقمة، يعني هو الوحيد الذي حدث عن عمر هذا الحديث، وعن علقمة لم يروي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وعن محمد ابن إبراهيم التيمي لم يروي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم منه انتشر. Donc la dernière catégorie qu'a cité l'auteur rahimahullah, au qasrin ala riwayati, c'est-à-dire on va dire que ce hadith ou bien cette chaîne de transmission, il n'y a qu'un narrateur qui l'a rapporté. Donc ça, pour comprendre l'exemple, par exemple le premier hadith dans Al-Bukhari, innama al-a'malu bin-niyyat, donc c'est le hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ce hadith, donc Omar l'a cité sur le minbar. Il était sur le minbar, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innamal a'malu binniyat. Mais n'a cité ce hadith ensuite qu'un seul homme, Il n'a compté ce hadith qu'un seul homme, c'est Alqama ibn Waqqas al-Layth. Donc ça, c'est ce que l'on appelle Awqasrin al-Riwayati. Parce qu'il y a un seul homme qui rapporte, surtout après les compagnons. Avant, au niveau des compagnons, on appelle ça Al-Gharib al-Mutlaq ou bien Al-Fardul al-Mutlaq. Et après, on appelle ça Al-Nisbi. C'est-à-dire, Alqama ibn Waqqas, c'est le seul à avoir rapporté ce hadith de Omar. Et ensuite, nous avons Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, qui est le seul à avoir rapporté cela de Alqama ibn Waqqas. Et après, nous avons Yahya ibn Sa'id, qui est le seul à avoir rapporté ce hadith de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Et après, le hadith s'est propagé. C'est-à-dire, beaucoup de gens l'ont entendu de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et ils l'ont propagé. هذا هو الفرد وقد ما قلنا في الغريب الأصل في الفرد والغرائب أنه يكثر فيها الضعف donc comme on avait dit pour الغريب c'est pareil pour الفرد sous la majorité des hadiths que l'on appelle غريب ou bien فريد tous ces hadiths là en général sont souvent faibles. Tous ces hadiths-là sont souvent faibles. Car un hadith dont une personne est le seul à connaître, à la rapporter, en général, ce n'est pas une règle absolue, mais souvent c'est faible. Abdullah ibn Mubarak disait la science, c'est ce que tu entends ici, ici et ici, à plusieurs endroits. Donc ça, c'est une règle même que l'on applique dans notre vie de tous les jours. Lorsque un frère me donne une information, j'y crois. Mais lorsqu'un second vient, un troisième, un quatrième, l'information prend de la force. Jusqu'à même arriver à un niveau où on ne peut plus douter. Ce qu'on avait cité, ce qui s'appelle tawatur. Mais bon, ce n'est pas une règle absolue. La preuve, c'est que dans Al-Bukhari et dans Muslim, vous trouverez des hadiths que l'on appelle غريب. ومن العلماء من يعني أفرد بالتصنيف يعني أفرد يعني بالتصنيف يعني للأحاديث الغريبة والأحاديث الفردة. Donc certains savants même ont fait des livres où ils ont cité que des hadiths de ce type, comme l'imam Muslim rahimahullah qui a un livre qui s'appelle الأفراد. ثم قال رحمه الله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. Donc ça c'est le vers numéro 24. وما بعلة غموض أو خفى. Donc c'est-à-dire lorsqu'il y a dans le hadith une illa, donc on avait vu ça au tout début du poème, lorsqu'on avait cité les conditions du hadith authentique, que le hadith ne devait pas contenir en lui une illa. Et donc la illa, comme on avait vu précédemment, wa sababun khafiyun yaqdahu في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منه. Donc la illa, c'est une cause يعني cachée ou bien non claire qui vient remettre en cause l'authenticité du hadith. Donc le hadith, si on regarde son aspect apparent, le hadith est authentique. La chaîne de transmission est liée. Chaque narrateur a apparemment entendu de celui qui est au-dessus. Ils sont tous fiables, thiqa. Il n'y a pas de chouzouz. Ils sont tous intègres. Mais malgré cela, il y a un savant parmi les savants du hadith qui vient wa yaqul hadha al-hadith khata. Donc il y a un savant, il vient et dit hadha al-hadith khata. Donc ça, c'est ce que l'on appelle l'illa. L'illa, donc c'est une cause, yani cachée. Nous, à notre petit niveau, on ne peut pas tomber dessus. Walakin al-illa ya'rifuha al-muhaddith idha yani hafiza ahaditha kathira. فهو مثلا كان من العلماء من يحفظ كل أحاديث الزهري الزهري محمد بن مسلم الزهري كان من العلماء من يحفظ كل أحاديثه فإذا حدث أحد بحديث ويذكر الزهري في السند يقول هذا خطأ مجرد أن سمع الحديث يقول هذا خطأ لا تسأل لماذا هو يقول هذا خطأ. Donc il y avait des savants à l'époque qui connaissaient tous les hadiths, par exemple, d'un narrateur. Ils connaissaient tous les hadiths de Zuhri. Ils connaissaient tous les hadiths de Saïd ibn Musayyib. Ils connaissaient tous les hadiths des compagnons, radiyallahu anhum. C'est-à-dire que s'ils mémorisent tous les hadiths de Zuhri, Muhammad ibn Muslim al-Zuhri, et que toi tu viens, tu lui cites un hadith, et que dans la chaîne de transmission, il y a Zuhri, automatiquement, si ce n'est pas un hadith qu'il connaît, il va te dire c'est une erreur. وَعِلْمُ الْعِلَلِ هُوَ مِنْ يعني أصعب فنون علم الحديث. Donc ça, c'est la sorte de science de hadith la plus complexe. C'est la sorte de science du hadith la plus complexe. وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي هذا العلم علم العلل إلا الجهابذة من أهل العلم. C'est pour ça que vous ne trouverez pas tous les savants du hadith, ils ont parlé de ce que l'on appelle العلل. Même حتى عند المتقدمين, même chez les premiers muhaddithin, ils ne parlaient pas tous de cela. Vous trouverez l'imam al-Bukhari, vous trouverez l'imam Ahmed, vous trouverez l'imam Ali ibn al-Madini, vous trouverez Abu Hatim, Razi, Abu Zura, Razi, vous trouverez Ad-Darqutni. Il y a un petit groupe seulement qui était kallamu bilayl al-Abu Daoud, al-Nasai, wa kima thalan la tajiduna musliman, yatakallamu fi al-ilal, la tajiduna ibn Majah. لا تجدون مثلا الإمام الشافعي ولا الإمام مالكي إلا نادرا. Donc il y avait certains savants qui vraiment étaient spécialisés dans cela. وكانوا يلقبون بأني أطباء الحديث. On les appelait les médecins du hadith. Les médecins du hadith, car c'est eux qui arrivaient à déceler les choses cachées qui remettent en cause l'authenticité du hadith. لأن ظاهر الحديث الصحة. Car le hadith d'apparence, il est authentique. Dans le hadith d'apparence, il est authentique. Si on ramène la chaîne de transmission, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on regarde la chaîne de transmission et le texte, on dit ce hadith, il est authentique. Sauf que lorsqu'on revient au kalam de l'a'imma, il vient et nous dit « Hada khata » « Hada mursel » Pourquoi ?« Hani lianaoum » جمعوا كل الطرق ولهذا يقول علي بن المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. علي بن المديني nous dit comment se fait-il que certains arrivent à connaître cela, c'est-à-dire qu'ils connaissent le hadith dans toutes les chaînes de transmission par lesquelles il est rapporté. علي بن المديني nous dit que un hadith, tant qu'on ne réunit pas toutes les chaînes de transmission, on ne peut pas déceler l'erreur. إذا لم تجمع له طرق لم يتبين خطأه. ويقول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة وهذا القسم من أغمض أنواع الحديث لأنه لا يطلع عليه إلا أهل العلم النقاد الذين يبحثون الأحاديث بأسانيدها ومتنها. Donc comme on a dit tout à l'heure, Al-Hafidh ibn Hajar, il nous dit que cette catégorie de hadith est une des catégories les moins claires, aghmad anwa' al-hadith, car il n'y a que un petit groupe de savants que l'on appelle al-nuqat qui critiquent le hadith, cherchant les, ou bien étudiant le hadith par ses chaînes de transmission et ses textes. Wa aghmad min dhalik تجدون من أهل العلم من لم يبين السبب أحيانا يقول لك هذا خطأ أحيانا يقول لك هذا مرسل مثلا هذا مرسل أو هذا منقطع وأحيانا يقول هذا خطأ ولا يذكر السبب. Donc ce qui prouve également que c'est une catégorie de hadith des plus complexes, c'est que parfois on tombe sur des paroles de A'imma qui ne cite pas la cause pour laquelle ils rendent le hadith faible. Souvent, ils citent la cause. Ils vont dire Hada Mursel. Par exemple, en réunissant toutes les chaînes de transmission, il a vu que parfois le hadith il était rapporté Eni Mursel. La chaîne de transmission n'était pas liée. Le compagnon n'était pas cité. Ou Hada Munqati'. Il y a une coupure à un autre moment. Mais parfois, il ne cite pas. Il ne cite pas la cause. Il y a des hadas khata. Il dit hadas, c'est une erreur. Et donc, toi, tu dois essayer donc de connaître la cause pour laquelle, par exemple, Ibn Ahmed qala hadas khata ou bien Dalqutni qala hadas khata. Donc, c'est une partie de la science du hadith qui est très complexe et très difficile à comprendre. Thumma qal وذو اختلاف سند أو متن مضطرب أو مضطرب عند أهيل الفني. Donc ensuite il nous parle du hadith al-muttarib. Al-hadith al-muttarib. Il nous dit lorsqu'il y a une divergence dans la chaîne de transmission et dans le hadith est appelé alors muttarib. فالمضطرب هو الحديث الذي يحكم العلماء بضعفه لأنه وقع اختلاف في السند ولم يترجح للمحدث أحد الأمرين. Donc المضطرب c'est un hadith dans lequel il y a une divergence dans la chaîne de transmission. Mais le muhaddith n'a pas pu choisir la chaîne de transmission qu'il va conserver. Latiya al-mahfouza. Fabittali wa yahkum bid-da'f ala al-hadith kullihi bi-asanidi. Donc, vu qu'il n'a pas pu déceler laquelle des deux, ou bien lequel des deux avis, ou bien des trois avis était le plus fort pour affaiblir les autres, il statue du hadith qu'il est faible dans sa totalité avec toutes ses chaînes de transmission. L'anahiyan al-muhadith qad yatarajjah indahu shay, yaqul hada mursal, aw hada muttasil, aw hada muquf, aw hada. Wakin ahiyan anani. يصعب عليه أن يرجح شيئا فيحكم بالحديث بالاضطراب. Donc parfois le hadith il sait que l'avis le plus fort c'est qu'il est mursal ou bien il est mawsoul ou bien il est mawquf ou bien il est marfou ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais parfois il n'arrive pas à trancher. Donc à ce moment-là il statue du hadith qu'il est muttarib. فلهذا تجدون أن من حكم على حديث ما بالاضطراب في الغالب من العلماء من المحدثين من حكم عليه بحكم آخر. Donc souvent lorsque un muhaddith il vous dit tel hadith il est muttarib, souvent vous allez trouver un autre qui va vous dire là, parce qu'il a réussi lui à trouver une issue, il a réussi lui à renforcer par exemple un avis sur un autre. مثلا تجدون ابن الصلاح dans son livre Al-Muqaddima, lorsqu'il a parlé du hadith al-Muttarib, il a cité un hadith. Il a cité un hadith, et un hadith d'Abi Huraira, radiallahu an, dans le sutra, dans le hadith al-Khat. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. Donc le hadith il dit, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il mette devant lui quelque chose, un sutra. S'il ne trouve rien, qu'il plante un bâton. S'il ne trouve pas de bâton, qu'il trace un trait. Qu'il trace un trait, et ensuite tout ce qui passe derrière le trait n'aura aucun impact sur sa prière. Donc c'est ce hadith là qu'a cité Ibn Salah pour Al-Muttarib. L'annahu yaqul anna hadha al-hadith ruwiya bi asanid kathira wa kulluha mukhtalifa kull isnad mukhtalif. Donc, il a été rapporté par beaucoup de chaînes de transmission. Et chaque chaîne de transmission est différente de l'autre. Chaque chaîne est différente de l'autre. Normalement, on doit avoir des chaînes de transmission qui se rejoignent. Là, ici, elles sont toutes différentes. Donc, il n'a pas plus faire ce que l'on appelle être tarjih entre toutes ces chaînes de transmission. Donc il a cité cela comme muttarib. Voilà qu'il t'a dit dans le hafid ibn Hajar rahimahullah fil bulugh ani hasan al hadith wa qal lam yusib man za'ama annahu muttarib bal huwa hadith hasan. Il nous dit, le hafid ibn Hajar, il nous dit, comme on a dit tout à l'heure, celui qui prétend que ce hadith il est muttarib, lam yusib, c'est à dire qu'il n'a pas dit vrai. Bel wa hadithun hasan. Donc ça, sur le hadith muttarib, comme on a dit tout à l'heure, vous ne trouverez pas un avis unique. Car celui qui n'arrive pas à trouver une solution entre la divergence des différentes chaînes de transmission, forcément un autre, il va venir, il va dire, moi j'arrive, je réussis à trouver une solution. L'imam Ahmad, rahimahullah, hasan al-hadith kadhalik. Mithalun akhar. حديث كعب ابن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في الصلاة. حديث de كعب ابن عجرة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions de la meilleure des manières, ensuite sort de chez lui en ayant l'intention de se rendre à la mosquée, qu'il ne croise pas ses doigts. La yushabbikanna bayna asabi'ihi fa innahu fi salah. Car à partir de ce moment-là, il est considéré comme étant en prière. Min al-imam qala anna hadha hadith muttarib. Kama qalahu al-hafiz Ibn Rajab rahimahullah yaqul fi isnadihi ikhtilafun kathirun wa ittirab. Fa indana fi al-isnad rawin yarwi عن كعب بن عجرة اسمه سعد بن إسحاق يروي عن كعب بن عجرة. فبعض الأسانيد تجدون قال سعد بن عن سعد بن إسحاق عن كعب بن عجرة. ومرة يروي عن أبي ثمامة عن كعب بن عجرة. ومرة يروي عن أبي سعيد المقبوري عن كعب بن عجرة. يقول يعني ما يستطيع أن يرجح يعني هل روى مباشرة, فلا بد من قرينة, لابد من قرينة يعني يجدها المحدث حتى يرجح يعني إسنادا على آخر, فحكم على هذا الحديث بالاضطراب. Donc nous avons dans la chaîne de transmission un homme qui s'appelle Saad ibn Ishaq. Cet homme, il rapporte le hadith de Ka'b ibn Ujra, donc le compagnon. Et dans d'autres chaînes de transmission, vous trouverez qu'il y a un intermédiaire entre Sa'd ibn Ishaq et Ka'b ibn Ujra. Parfois, il y a un homme qui s'appelle Thumama, parfois, il y a un homme qui s'appelle Abi Sa'id al-Maqburi. Donc, certains ont dit هذا الحديث مضطرب. مضطرب, donc on ne peut pas savoir quelle est la chaîne de transmission à garder entre les chaînes de transmission faibles et celles qui sont authentiques. C'est clair, مضطرب. لا يكون في الـ في الـ في الـ في الإسناد ولكن في النهاية نحكم على الحديث كله بالاضطراب. ثم قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. ensuite الحديث المدرج, الحديث المدرج. يقول والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. donc الحديث المدرج أو الكلمة المدرجة c'est lorsque il y a un ajout dans le hadith, un ajout dans le hadith. والمدرج ينقسم إلى قسمين, مدرج الإسناد ومدرج المتن. ودائما المدرج يكون من كلام بعض الرواة. donc le مدرج c'est toujours la parole d'un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'un compagnon, la parole d'un tabi'i, la parole de quelqu'un qui vient et qui se glisse dans le hadith. Et certains pourraient penser que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce que l'on appelle مدرج. فالمدرج يعني ما زيدت بعض الفاظ الالفاظ من الرواة في الحديث. donc il est de deux sortes, مدرج الاسناد. ومدرج الاسناد هو ان ياتي الراوي فيدرج في اسناده متنا غير المتن الذي هو له. مدرج الاسناد c'est lorsque un rapporteur donc cite une chaîne de transmission et ensuite il va citer une parole à lui et les gens vont penser que c'est un hadith. مثال ذلك رجل اسمه ثابت ابن موسى, ثابت ابن موسى رحمه الله, دخل مجلس شريك, محدث من المحدثين, والشريك هو يملي على تلامذه حديثا. يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سكت شريك سكت سكتة لطيفة ونظر إلى وجه ثابت بن موسى فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ولا يقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم, عندما نظر إلى وجه ثابت بن موسى قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, فظن بعض الناس أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فكان بعض الناس يحدث به. donc la première sorte c'est مدرج الإسناد, c'est le fait donc comme on a dit le muhaddith cite une chaîne de transmission et à la fin de cela il cite une parole à lui et certaines personnes pensent que c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons Sharik rahimahullah, il était dans une assise en train de rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit à ses élèves حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. sauf qu'au même moment il a vu quelqu'un rentrer dans l'assise et qui s'appelle Thabit ibn Moussa. Thabit ibn Moussa était un homme vertueux, un imin al-ubbad, parmi les dévots, les gens qui prient, qui jeûnent énormément. Donc il a cité la chaîne de transmission et au moment où il allait citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Thabit ibn Moussa et il a vu donc la beauté de son visage et il a dit, il a complètement oublié le hadith. Il a dit man kathurat salatuhu bil layl hasuna wajhuhu bin nahar, c'est-à-dire celui qui fait beaucoup de prières nocturnes, son visage s'embellit de journée. Donc lui, il a voulu juste faire une remarque en voyant le visage de Thabit ibn Moussa. Sauf que Thabit ibn Moussa, en entendant cela, a pensé que c'était un hadith du prophète sallam, et plus tard, il citait ce hadith. Il disait « قال أخبرني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال صلى الله عليه وسلم من حسن من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. Alors que ce n'est que la parole de Sharik. Le hadith, là, ليس بحديث. ومدرج والحديث الذي كان يريد أن يحدث به يعني شريك هو إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد. Donc le hadith que Sharik voulait citer, c'est le hadith qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous dort, Shaytan fait trois nœuds au-dessus de la tête de l'un d'entre vous. Donc lorsqu'il se réveille, wa zakar Allah, un nœud se dénoue. Puis lorsqu'il fait ses ablutions, un autre nœud se dénoue. Plus lorsqu'il prie de la ka'at, un autre nœud se dénoue. Donc ça, c'est le hadith huwa fil Bukhari et Muslim. Al-qism al-thani al-idraj fil matn. Donc la deuxième catégorie, c'est al-idraj fil matn. An yati rawi wa yadhkuru lafzatan min indihi fa takhtalitu bi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc al-mudraj al-matn, c'est le fait que un narrateur parmi les narrateurs dans la chaîne de transmission, soit un compagnon, soit un tabi'i ou un autre, pendant qu'il cite le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va citer une parole à lui. Il va citer une parole à lui et qui va se mélanger avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si la personne ne fait pas attention, elle peut penser que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mithal ou zalik, yani l'idraj qad yakunu fi أول المتن في بدايته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فجملة أسبغ الوضوء مدرجة في الحديث إنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا تجدنا في بعض الروايات هناك فصل واضح بين الجملتين. Donc à titre d'exemple, le hadith de Abu Huraira où il est dit asbir al-wudu, c'est-à-dire faites de la plus belle, la meilleure des manières vos ablutions. C'est-à-dire faites parfaitement vos ablutions asbir al-wudu. Waylun lil-aqabi min an-nar. C'est-à-dire malheur à celui qui ne lave pas ses talons pendant ses ablutions, car ses ablutions donc seront châtiées en enfer. Wailun lil aqab min an-nar. La première partie, asbir al-wudu, n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole de Abu Huraira. La parole de Abu Huraira. Et donc en voyant cette version du hadith, on pourrait penser que tout est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans d'autres versions les deux phrases sont bien distinctes. As-surah al-thaniya al-idraj fi wasati al-matn. Fi wasati al-matn. Fi al-hadith al-mashhur fi bad' al-wahy 'inda al-Bukhari, yani fi nuzul surati al-'Alaq 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghari Hira. قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتحنث فيه والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد فكلمة وهو التعبد ليس من الحديث إنما هو كلام الزهري ويفسر لك معنى التحنث. Donc en ce qui concerne l'idraj au milieu du matin, nous avons le hadith célèbre qui nous dit que dans les premiers hadiths de Sahih al-Bukhari qui nous parlent du début de la révélation lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans la grotte de Hira pour méditer et que Surat al-Alaq est descendue sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait à Ghar et Hira, à la grotte de Hira, fayatahannathu fihi. Juste après nous avons wa huwa at-ta'abbut, c'est-à-dire qu'il adorait, il faisait de l'adoration là-bas, al-layali dhawat al-adad, donc certaines nuits du mois. L'explication wa huwa at-ta'abbut n'est pas dans le hadith, donc c'est une chose rajoutée par Az-Zuhri rahimahullah. En fait, il a voulu, lorsqu'il a cité à ses élèves le hadith en leur disant kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yadhhabu ila ghar hira fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbud, il a voulu leur expliquer le sens de at-tahannuth. Et certains donc ont cité le hadith sans faire la différence entre les deux. Donc on pourrait penser que tout cela est un seul et même hadith, alors qu'en réalité c'est la parole de l'imam Zuhri rahimahullah. As-surah ath-thalitha wal akhira al-idraju fi akhir al-matn. Donc la dernière manière, donc nous avons vu au début du texte, au début du hadith, au milieu du hadith et ici à la fin. حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه الجملة الأخيرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. Donc le hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté sera appelée yawm al-qiyama ghurran muhajjalin » c'est-à-dire qu'ils auront des traces blanches sur le visage et sur les membres, des traces des ablutions. D'accord ? Donc yawm al-qiyama, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera reconnue et appelée par cela. C'est-à-dire qu'ils auront des traces sur le visage et sur leurs membres grâce aux ablutions qu'ils ont fait pendant leur vie ici-bas. Juste après, nous avons فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Donc celui d'entre vous qui peut augmenter ces traces-là, qu'il le fasse, car ce sera comme une parure يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sauf que cette phrase-là, man istata'a minkum an yutila ghurratahu, ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole de Abu Huraira. La parole de Abu Huraira. Donc il faut bien faire distinction entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole de Abu Huraira. Donc ça n'a pas le même statut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle par révélation, Abu Huraira, non. Donc il importe, donc à ça sert justement la connaissance du hadith al-mudraj. Wa lama rahimahumullah kayfa waqafu ala an hadhihi az-ziyada mudraja fi hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Waqafu ala dhalik bi tatabbu' al-asanid. Bi tatabbu' al-asanid, fa fi ba'd al-asanid tajiduna يعني مصرحا به أن مثلا قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أو كأن ينص الراوي على الإدراج في بعض الروايات قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وأحيانا عند تأمل المعنى عندما تتأمل المعنى ترى أن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يأتي إمام من الأئمة فينص على أن هذه الجملة يعني مدرجة في الحديث النبوي. Donc comment les savants ont-ils pu savoir que telle phrase n'est pas la parole du prophète صلى الله عليه وسلم? Donc en recherchant toutes les chaînes de transmission. Comme on a dit tout à l'heure, Ali ibn al-Madini il nous a dit "Al-bab idha lam tujma' turuquhu lam yatabayyan khata'u." Si tu veux vraiment connaître tous les aspects d'un hadith, son authenticité, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ajouts, les choses en moins, il faut réunir toutes les chaînes de transmission. Et donc en réunissant toutes les chaînes de transmission, on pourra voir parfois clairement que telle phrase n'est pas la phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, vous trouverez « Qala Abu Huraira ». قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Ou bien parfois un narrateur par une chaîne de transmission il va dire clairement que c'est Abu Huraira qui a dit cela et non le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parfois même en observant le sens de la phrase en plus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole n'est pas semblable à la parole de ceux qui sont venus après lui, même les compagnons, radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, utiya jawami al-kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une manière bien précise. Donc certains savants, juste en regardant une phrase, ils savent que ce n'est pas la manière de s'exprimer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils font des recherches pour arriver au fait que cela est une phrase qui est mudraja. Ou bien parfois, on pourra trouver que certains savants viennent et attestent que telle phrase n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais la parole d'un des compagnons radiyallahu an. Thumma qala an-nazim rahimahullah wa ma rawa kullu qarin an akhih mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih. Il nous dit ensuite, il va nous parler du hadith al-mudabbaj. Al-mudabbaj, comme il nous dit, wa ma rawa kullu qarinin an akhi. Lorsque chaque qarin rapporte de l'autre. Donc nous avons deux narrateurs. Deux narrateurs, quand est-ce qu'on les appelle qarin? Quand ils ont à peu près le même âge, ils sont au même niveau dans les chaînes de transmission, ils ont les mêmes chouyour. C'est ce qu'on appelle qarin. Donc ils sont au même niveau. Donc normalement ils ont les mêmes chouyour. Et il se peut qu'un jour un des deux possède un hadith. Donc il va le rapporter à son camarade, son qarin. Et un autre jour, ce deuxième qarin, il va également citer un hadith à son camarade. Et c'est ce que l'on appelle al-mudabbaj. C'est ce que l'on appelle donc al-mudabbaj. Ou al-mudabbaj min ani dabbaj tu shay'an idha zayyantuhu. Donc le verbe dabbaja, ça veut dire embellir. Fa hadhihi al aw hadha al-isnad fi ghayati التزيين والحسن. Donc ils appellent cela le mudabbaj, car le mudabbaj possède une chaîne de transmission que l'on peut qualifier de belle et donnant des leçons à la personne. لأنه القارين يعني الأصل التلميذ أن يلوي عن شيوخه عن من هو أكبر منه سنا وطبقة وعلما, هذا هو الأصل. ولكن أحيانا الإنسان يتواضع فيروي عن من هو مثله, وهذا الثاني كذلك يتواضع فيروي عن قرينه الذي هو مثله في السن والطبقة. يعني أصبح الإسناد يعني مزينا ومحسنا بذلك, ويدل على التواضع, يعني التواضع هذين القرينين. Donc pourquoi cette chaîne de transmission est considérée comme يعني مدبج, c'est-à-dire embellie, car ces deux camarades القرينين, ils ont fait preuve d'humilité et de modestie. Car à la base, donc l'élève, il prend de son cheikh qui est plus âgé que lui, qui a plus de science que lui et qui est au-dessus de lui même dans la chaîne de transmission. Mais il se peut qu'un jour, yani son camarade possède un hadith que le cheikh n'a pas. Donc il vient et il en écoute de son camarade qui est wasat qarin, ils sont au même niveau. Et plus encore, même le premier camarade qui a rapporté, un jour également, il rapporte de son camarade qarin un autre hadith. Donc il donne une leçon donc aux gens de modestie et d'humilité. ولهذا قال بعض العلماء أن طالب العلم لا ينبل ولا يكمل حتى يروي عن من فوقه وعن من هو مثله وعن من هو دونه. Certains savants, on voit, قال ذلك الإمام البخاري. L'imam Bukhari nous dit que l'étudiant ne deviendra jamais noble que lorsqu'il sera capable de prendre la science de celui qui est au-dessus de lui, de celui qui est au même niveau que lui et de lui-même qui est en dessous de lui. Car donc souvent كما قلنا في التدليس احيانا ان الراوي يأنف ان يروي عن من هو يعني تحته او عن قرينه فيسقط هذا الراوي. Donc souvent parmi les narrateurs, comme on avait cité cela dans le hadith al-Mudallas, ils ne veulent pas dans la chaîne de transmission que une personne du même niveau soit citée au même niveau que lui. C'est dans l'âme humaine. L'âme humaine, elle est faite ainsi. Donc l'homme, il doit faire preuve d'effort et de modestie donc pour prendre la science de celui qui est au-dessus, de celui qui est au même niveau, ou parfois même celui qui est en dessous. فائدة معرفة هذا النوع إذا علمت أن فلان يروي عن قرينه أن لا تظن أن في الزيادة أو في الإسناد زيادة. يعني أحيانا أنت ترى أن التلميذ دائما يروي عن شيخه والثاني يروي عن شيخه, فأنت إذا وجدت القرينين يروي بعضهم عن بعض قد تظن أن وقع خلط بين إسنادين. لا, هو التلميذ القرين يروي عن من هو مثله. وكذلك معرفة القرين أو الحديث المدبج, شخص يرى مثلا في الإسناد زيد عن عمر عن خالد, فإذا رأى أنهما أو زيد وعمر قرينين قال يظن أن كلمة واو أبدلت بعن, أن الأصل يكون زيد وعمر عن خالد. لا, هو إسناد مدبج يروي هذا عن هذا. Également donc, comme on a dit, c'est quoi le but? Donc pourquoi les savants ont recherché à savoir c'est quoi le mudabbej, qui rapporte de qui? Quel est l'intérêt de savoir que deux qarin qui sont au même niveau rapportent l'un de l'autre? La première chose, en sachant cela nous permet de ne pas penser qu'il y a eu un ajout dans la chaîne de transmission. Car la base dans la chaîne de transmission, c'est que nous ayons plusieurs niveaux. Tabaqa, tarwi an tabaqa, tabaqa, tarwi an tabaqa. Donc nous avons plusieurs niveaux. Nous avons sahaba, yarwi sahabi an tabi'in, tabi'in an tabi'in, etc. C'est ça la base. C'est pour ça que même lorsque vous avez deux tabi'in qui rapportent les uns de l'autre, les savants le citent. Pour ne pas que l'on pense qu'un tel qui rapporte tabi'in, c'est forcément un tabi'in tabi'in. Donc ici, par exemple, nous avons trois personnes. Nous avons Zayd, nous avons Amr et nous avons Khalid. Zayd et Amr sont qarinan, donc deux camarades. Et nous avons Khalid qui est leur cheikh à tous les deux. D'accord? Donc si on voit que par exemple Zayd rapporte de Amr qui rapporte de Khalid, on va penser que celui-là il est en trop, qu'en général Zayd il rapporte directement de Khalid. Là, ici, justement, le fait de ne savoir cela, on sait qu'il n'y a pas d'ajout dans la chaîne de transmission et que ce sont deux personnes qui rapportent parfois l'un de l'autre. Et parfois, Amr rapporte de Zayd, qui rapporte de Khalid. Également, afin que l'on ne pense pas également qu'il y a eu une falsification du texte ou bien une erreur dans l'enregistrement des informations. Par exemple, si on voit Zayd, un Amr, un Khalid, on pourrait penser que à la base, c'était Zayd ou Amr, un Khalid. Zayd et Amr, ils rapportent de Khalid. Non, ici, c'est Zayd qui rapporte de Amr, qui rapporte de Khalid. وكذلك الفائدة معرفة ذلك يدل على أن التواضع في العلم. Donc également cela montre la modestie dans la science et que la personne donc doit être modeste et ne pas toujours vouloir prendre de ceux qui sont au-dessus de lui. Il faut être capable également de prendre de ceux qui sont au même niveau ou bien même en dessous. ثم قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. قبل ذلك يقول وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. انتخي بمعنى افتخر, بمعنى افتخر. وأخيه بدنيا هي لغة صحيحة تسمى بلغة النقص, وذكرها ابن مالك في الألفية. Donc il a dit عن أخيه وما روى كل قرين عن أخيه. Normalement il devrait dire عن أخيه avec يا, لأن أخ من الأسماء الخمسة. Mais il y a nous avons لغة الكمال والمشهورة, لغة النقص ولغة القصر. La base donc c'est avec les lettres. Ja'a akhuka, ra'aytu akhaka, marratu bi akhika. Nous avons bi al-qasr, c'est-à-dire toujours alif. Ja'a akhaka, ra'aytu akhaka, marratu bi akhaka. Et nous avons lughat an-naqs. Ja'a akhuk, ra'aytu akhak wa marratu bi akhik. Kama huna. Wa man wa marawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'arifu haqqan wa antakhih. انتخي بنا افتخر, c'est-à-dire sois en fier. ثم قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. Donc ici il va nous parler du متفق متفق مفترق. Donc ça c'est une seule sorte. Donc on pourrait penser en lisant le vers qu'il y a deux sortes. Lorsqu'il dit muttafaqun lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dhakarna al-muftariq, là c'est une seule sorte. On appelle cela al-muttafiqul muftariq. Wa huwa idha tafaqat asma'u ar-ruwah wa asma'u aba'ihim fasa'idan wa ikhtalafat ashkhasuhum. Donc ici, ça n'a plus rien à voir avec l'authenticité du hadith ou pas. Ça parle des narrateurs. Ça parle des narrateurs lorsque nous avons deux narrateurs dont les noms sont semblables, son nom, le nom de son père, mais ce sont deux personnes différentes. Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça al-muttafiqu, c'est-à-dire fi al-asma, ou al-muftariq, c'est-à-dire fi al-ashkhas. Muttafiq, ils ont le même nom, et Muftariq, c'est-à-dire ce ne sont pas les mêmes personnes. مثلاً اتفق الأسماء والكنى والأنساب ومع اختلاف الأعيان. مثلاً رجل اسمه الخليل ابن أحمد. الخليل ابن أحمد يعني على الأقل خمسة أشخاص من اسمه الخليل ابن أحمد. Par exemple, dans les chaînes de transmission, vous pouvez trouver Khalil ibn Ahmed. Khalil ibn Ahmed, ils sont cinq personnes. Donc si tu trouves dans la chaîne de transmission Khalil ibn Ahmed, comment savoir duquel il s'agit? Ou Asharuhum, c'est lequel le plus célèbre, Khalil ibn Ahmed? Vous avez jamais entendu Khalil ibn Ahmed? Khalil ibn Ahmed al-Farahidi. Ça vous dit rien, ça? هو الشيخ شيخ سيبوي وهو واضع علم العروض وقيل انه الذي وضع علم التجويد donc c'est le plus célèbre c'est le professeur à l'imam Sibawi et c'est lui qui a institué la science de que l'on appelle علم العروض c'est la science des règles de poésie les pieds les vers les rythmes etc. Donc ça, c'est ce que Khalid ibn Ahmed al-Farahidi. Ce qui nous intéresse ici, c'est que Khalid ibn Ahmed, c'est cinq personnes. Donc ici, nous avons al-Muttafiqo ou al-Muftariq. Donc parfois, ça peut être un tel, parfois, ça peut être un autre. Wal-ulama, rahimahumullah, ani mathalan yaqulun, ani fil kitab fulani la yujad illa fulan. Parfois, lorsqu'il y a donc une coïncidence dans le nom, etc., par exemple, ils vont vous dire il y en a tel nom, il y en a cinq. Mais par exemple, fil Bukhari, laysa lahu riwaya illa fulan. Par exemple, ils vont vous dire dans le Bukhari, il n'y a qu'un tel qui a rapporté. Donc, dès qu'on lit al-Bukhari, on sait que tel nom, c'est un tel. Ou bien on va nous dire tel nom, donc il y en a trois, mais lam yarwi an Sufyan ibn Uyayna. Que un tel. Donc c'est en connaissant ces choses-là que l'on peut connaître les de quel narrateur il s'agit. مثلا عندنا رجل اسمه أحمد ابن جعفر ابن حمدان. أحمد ابن جعفر ابن حمدان. هؤلاء أربعة. أربعة أشخاص من اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان وكلهم يروي عن رجل فوقه اسمه عبد الله donc comme on a dit أحمد بن جعفر بن حمدان ils sont quatre. Et les quatre rapportent d'un homme qui s'appelle Abdullah à la même époque. Donc tout ça pour montrer donc la difficulté de la chose. Kadhalika Abi Imran al-Juni Isnan. Abu Imran al-Juni, ils sont deux. Dans la chaîne de transmission, vous pouvez voir. Parfois même vous trouverez dans la chaîne de transmission, par exemple, Sofiane. On ne sait pas est-ce que c'est Sofiane Thawri ou bien Sofiane Ibn Uyayna. Mais en général, le Muttafiq ou Muftariq, ça va plus loin que le simple nom. فائدة معرفة هذا النوع. Donc quel est le but de connaître cela? يقول الإمام السخاوي رحمه الله فائدة ضبطه الأمن من اللبس فربما ظن الأشخاص شخصا واحدا وربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح أو يصحح ما هو ضعيف. Donc ce qui est l'importance de connaître cette catégorie, c'est que pour ne pas se tromper, car afin de ne pas penser qu'un narrateur en est un autre, ou bien de penser que tous ces gens-là sont un seul et même narrateur. Donc à chaque fois que tu vois Khalil ibn Ahmed, tu penses toujours que c'est Al-Farahidi là, ou bien à chaque fois que tu vois Ahmed ibn Ja'far ibn Hamdan, tu penses toujours que c'est le même. Non. Donc tu penses qu'il possède plein de chouyoukh, alors qu'en réalité ce sont trois personnes différentes. Également, il se peut que deux narrateurs possédant le même nom de père, l'un soit thiqa, fiable, et l'autre soit faible. Donc il se peut que tu rendes un hadith authentique alors qu'il mérite d'être faible, ou bien que tu rendes un hadith faible alors qu'il mérite d'être authentique. Donc c'est une catégorie de hadith très importante à maîtriser. Donc on appelle ça al-muttafiqu والمفترق. مؤتلف متفق خط فقط وضده مختلف فخش الغلط. هناك نوع يعني قريب من النوع السابق وهو المؤتلف والمختلف. Donc ici, c'est proche de ce que nous venons de citer, sauf qu'ici on appelle ça المؤتلف والمختلف. وهو ما اتفقت في الخط صورته واختلفت في اللفظ صيغته. Donc ce sont des mots qui, dans l'écriture, sont semblables, mais qui ne se prononcent pas de la même manière. مثلا سلام وسلام. مثلا تجدون فلان ابن سلام أو ابن سلام. Donc toi, c'est ce qu'on appelle مؤتلف والمختلف. أو عمارة وعمارة. أو حزام وحرام. لأن في الماضي ما كانوا ينقطون الحروف. عباس وعياش. Donc tous ces mots-là ont les mêmes lettres. Parce qu'avant, donc, il n'y avait pas de points sur les lettres. Pour eux, salam, salam. Donc ça s'écrit, ça c'est une différence, c'est la différence sur la shadda. Umara wa imara. Hizam wa haram. Donc ça s'écrit de la même manière. Donc zay, nous avons un point en plus, mais avant, ils n'écrivaient pas ces choses-là. Abbas wa iyash. Donc tous ces mots-là donc, s'écrivent. Donc ont la même forme de lettre, mais se prononce différemment. هذه الأنواع قد يكون الاختلاف في الشدة مثلا سلام وسلام مثلا كذلك في الشكل بشير وبشير حميد وحميد وقد يكون المؤتلف في صورة الحروف والمختلف في إعجامها مثلا خازم وحازم حسين وحضين يعني بالإعجام يعني التنقيط. قد يكون المؤتلف في صورة الخط والمختلف في بعض الحروف حبان أو حبان وحيان. Donc il y a plusieurs donc les lettres. Ce que l'on appelle al-i'tilaf, donc le fait que ce soit écrit de la même manière, cela peut avoir lieu de différentes manières. Donc il peut y avoir une différence avec la shadda, par exemple salam ou salam, ou bien les accents, ce que l'on appelle fatha, damma, etc. Nous avons bashir, wa bushir, hamid, wa humid. Donc ça s'écrit exactement de la même manière. Ensuite, il se peut que les lettres donc, s'écrivent de la même manière, mais qu'il y a différence sur les points. Par exemple, vous direz Khazim wa Hazim. Donc le point du Kha et le Ha qui n'a pas de point. Hudayn et Hussein. Donc le point du Dad. Il se peut également que cela ait lieu avec donc, la forme des lettres, mais que les lettres soient différentes. Par exemple, Hibban et Hayyan. حبان اي حيان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في نزهة النظر ومعرفته من مهمات هذا الفن حتى قال علي بن المديني اشد التصحيف ما يقع في الاسماء ووجهه بعضهم بانه شيء لا يدخله القياس ولا قبله ولا قبله شيء يدل عليه ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. الحافظ ابن حجر il nous montre l'importance de connaître cela. Il nous dit وانه من مهمات هذا الفن Non, c'est parmi les choses plus importantes de la science du hadith. Ali ibn al-Madini nous dit Ashaddu at-tashrif ma yaqa'u fil asma. Il nous dit la pire des falsifications, c'est celle qui a lieu dans les noms. Car une personne qui s'appelle Hamid, faut pas l'appeler Humaid, car on pensera que c'est un autre narrateur. En plus de cela, tu n'as aucun moyen de connaître cela, sauf en lisant énormément, en sachant qu'un tel c'est Abu Humaid, par exemple Abu Humaid, ou bien Abdelhamid, ou bien Hamid, ou bien un tel. Il n'y a pas de règles qui vont t'apprendre qu'un tel c'est Salem et l'autre c'est Salem, si tu lis. Surtout à leur époque. Donc il n'y avait pas de shadda ni de d'accent. Et donc, tu ne peux ni connaître cela par analogie, par des règles, ni il y a une chose avant le nom ou après le nom qui t'indique comment doit-il être prononcé. Donc la seule manière de connaître comment se prononcent tous ces noms est d'énormément lire et de mémoriser les noms de tous ces narrateurs. Sallallahu ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu yarda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallim wa barik 'ala abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.